T'as beaucoup de liberté, tu peux tout acheter. Des drogues pour le jour, des filles pour la nuit. C'est ça la liberté, celle à laquelle tu as droit. Tu travailles la semaine, te déglingues le week-end. La petite serveuse du restaurant chez McDonald's me dit qu'elle habite au foyer son accotrape. Elle travaille la semaine, danse le week-end. C'est ça la liberté, celle à laquelle elle a droit. Ken, Ken, Ken. T'as beaucoup de liberté, tu peux tout acheter. Des drogues pour le jour, des fentes pour la nuit. C'est ça la liberté, celle à laquelle tu as droit. Tu travailles la semaine, te déglingues le week-end. La petite serveuse restaurant chez McDonald's me dit qu'elle habite au foyer son accotrape. Elle travaille la semaine, danse le week-end. C'est ça la liberté, celle à laquelle elle a droit. C'est ça la liberté,